Bonjour, moi c'est Amine. Tous les soirs je mets la brique de côté, marre de la terre ferme. J'ai fait tout pour m'éloigner de la rive. J'ai fait ce voyage comme au fou d'une paix royale. Poissard alors qu'on me laisse étayer pour y noyer ma rime. J'en ferai toute une fable, frère. Autour d'une table j'ai joué ma vie. Mais qui peut s'en passer quand on y coule d'une fois? Soyez ravis, quand le tout tue pas, on se regarde en face. N'allez pas croire que chez nous le miroir est magique. À tous biches, pensant que j'en avais sous le slip. J'ai pété la coupie sans addiction avant de capter que je n'étais qu'un muslim. Moi c'est Amine, tous les soirs je mets la guine de côté, rien à foutre. Allez donc dire au président qu'on se fout de lui. Je sais pas si je suis fou que tu merdes. Loin de mes coutumes, je peine à croire qu'avant de mourir j'arriverai au bout du tunnel. Moi c'est Amine, tous les soirs j'ai envie de plomber mon mal-être pour sûrement revenir vers une source. Je me sens par contre les récifs, rien que je dérive, rien que je me noie. Mes oreilles sifflent, c'est pas l'intérim qui parle de moi. Je me lève avec Marie-Jeanne, la foi de Paris White. La soif de laiton comme toi, arrête ton taliaf. Ça rappe mais y'a le blues en prime. On part tous en vrille à la conquête du Graal et des salopes qui nous en privent. Paris, Greux, Toulouse en Suisse, pendant que ça part tous en crime. On frime pas, nous on trim, boycott les jalouses en crise. Addict au mic et sans me tromper de rivo. J'irai le tringler avant le tomber de rideau. Musique addictive, viens pas me reprocher la haine. Elle n'est pas fictive, tu vois bien que je reste accroché à elle. On manque de soleil, le froid nous a presque empaillé. C'est pas le rhum des îles qui va nous changer en palmier. Je marronne, j'hésite, coin de rue, tension. Charbonne, je résiste, joint de suspension. Au micro, c'est ma thérapie, en effet j'ai gâché ma vie. Un verre, deux verres, trois verres, comme tu le vois c'est mathématique. Je mélange l'ivresse à la tristesse grisée. Je me présente, je suis mon rêve brisé. Au micro, c'est ma thérapie, en effet j'ai gâché ma vie. Un verre, deux verres, trois vert, comme tu le vois, c'est mathématique. Mélange l'ivresse à la tristesse grisée. Je me présente, je suis mon rêve brisé. Je vais vous dire pourquoi mes yeux ne brilleront pas longtemps. J'ai perdu un jeu et tous vos dieux finiront par m'entendre. Je marche sur tapis de rose noire sans but précis. Cause-moi faire, je suis dans un cauchemar sans tu le précises. Et ouais, je pleure, mais dans ma méga. Seul parce qu'entre nous on se parle peu, demande à un gars. Vous ai-je parlé d'elle? Drôle, me v'la triste à pas lire. Vous ai-je dit qu'elle était belle, que la drogue me l'a prise à bras. La mort, on les fait en tarte, plus d'un. Hey, hey, maman, comment tu m'as fait, je suis trop tard, putain. J'ai pris la route, puis le mur, quand on n'est pas le premier. Oh, question, est-ce qu'on cumule quand on est daltonien? Oh, je marche sur un tapis de rose noir sans déconner. Cause-moi, frère, je suis dans un cauchemar et sans t'étonner. J'écris la peine d'un môme qui n'oublie pas ses morts. Écrire, c'est négocier avec ses fantômes, qui va passer le mot? Bonjour, moi c'est Swift, j'ai 30 ans et je ne vais pas très bien. Je traîne avec des noirs, des asiates et puis des maghrébins. J'ai commencé à voir qu'on évoluait dans un sale pétrin. J'ai commencé à boire et je me suis dit que ma vie ne valait rien. Mais non, moi j'ai de multiples pathologies. Mes addictions me mèneront direct en cardiologie. Car j'ai pas trouvé de thérapie contre la sarcophobie. Moi j'ai besoin d'un gun et non pas d'une bouteille d'alcool au lit. J'ai perdu mes repères, j'ai perdu mes esprits. J'évacue et je déprime, alors je préfère fumer des spliffs. Et dans mes rêves les plus profonds, je me vois buter des flics. Le succès m'évite, mais je suis pas prêt de sucer des bites. Moi c'est Swift, paranoïaque et schizophrène. J'ai du mal à parler, alors je préfère écrire nos peines. Des fois je me dis qu'avec le rap j'aurai des prix Nobel. Mais en façade j'ai que de la gueule avec des rimes obscènes. Au micro c'est ma thérapie, en effet j'ai gâché ma vie. Un verre, deux verres, trois verres, comme tu le vois c'est mathématique. Mélange l'ivresse à la tristesse grisée. Je me présente, je suis mon rêve brisé. Au micro c'est ma thérapie, en effet j'ai gâché ma vie. Un verre, deux verres, trois verres, comme tu le vois c'est mathématique. Mélange l'ivresse à la tristesse grisée. Je me présente, je suis mon rêve brisé.